faites la chasse à l'évasion fiscale de vos concitoyens, mais vous avez un petit bas de laine que vous aimeriez rendre non imposable. Vous êtes secrétaire d'État, mais vous n'arrivez pas psychologiquement à remplir votre déclaration d'impôt. Devenez client de la banque Golden Sucks, spécialisée dans la contradiction morale financière. Phobie administrative, compte caché à l'étranger, les conseillers de la banque Golden Sucks vous accompagnent dans votre démarche d'opacité financière et transfèrent pour vous tous vos revenus dans l'un de nos nombreux paradis fiscaux. Vous n'avez plus qu'à demander à vos contribuables de s'acquitter de leurs impôts tout en vous dispensant de payer les vôtres. Golden Sucks, des solutions pour vous. Ça va pas la tête ?